Live de l'émission Phare se fait félin et ronronnant aujourd'hui avec notre invitée du jour, toute jambe dehors, c'est Grace Jones. De 1977 à 1989, elle a sorti des albums assez régulièrement et puis tout à coup, plus rien pendant presque 20 ans. C'est pas qu'elle s'est tournée les pouces pendant tout ce temps, oh non, elle a enregistré deux albums pendant les années 90, mais aucun n'est sorti. Et puis en 2008, Madame Jones est revenue sur le devant de la scène avec un nouvel album, Hurricane, et dans la foulée, elle a charmé de sa présence plusieurs festivals estivaux tels que l'Electric Picnic qui a eu lieu en Irlande l'été passé, et que vous avez le privilège insigne d'entendre ce soir dans le live de l'émission Phare sur Couleur 3. Mesdames et messieurs, Grace Jones. L'émission Phare sur Couleur 3, lecture, papotage, blabla, concert. I'm just playing around, playing around. Love me, night clubbing, night clubbing. Well, what's happening? Night clubbing, where an ice machine. We see people, brand new people. There's something to see. Night clubbing, bright white clubbing. Oh, is it night clubbing? We're walking through town. Night clubbing, night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances. I like the nuclear bomb. Night clubbing, oh, is it a thank you. kitchen and wine. Club game, well, what's happening? Night club game, night club game. We're an ice machine. We learn dances, brand new dances, like a nuclear bomb. Night club game, isn't it wild? Yeah. Oh, you look wild. Oh, you look wild. Making these motherfuckers all flavor. Isn't it wild? Is that supposed to work? Deux heures, la 3 en live. Hit me! Hey, that shadow, where's it? Big thing, yeah. Go to Jamaica, come on! My Jamaican guy. Oh, sing it out! My Jamaican guy. No way, it won't roll over me. blessed water. No way from the low for me. Cause he's laid back, not laid back. Laid back, not thinking back. Laid back, not worried back. Laid back, and never holding back a soul. My Jamaican guy. My Jamaican guy, yeah. Jamaican girl, my Jamaican girl. So go Live. Grace Jones au festival Electric Picnic, c'était l'été passé en Irlande. Et pendant les années 90, Grace Jones a enregistré deux albums qui ne sont jamais sortis, mais il se murmure que l'un d'entre eux, Black Marilyn, pourrait être commercialisé en 2010. D'ici là, patientons ensemble en la compagnie de la divine Grace Jones en concert exclusif sur Couleur 3. Pleased to have you on my plate. Your meat is sweet to me. Your plate. You're my life support. Your life is my sport. You won't hear me laughing as I terminate your day. You can't hear my footsteps as I walk the other way. I can't get enough. pray for me. I can't pray, God, pray. Pray for me. Digital criminal. Did you like an animal? Digital criminal. Corporate carnival. Did you like an animal? C'est 1h, 22h, couleur 3, en live. Who can defy infinity? definition of the end. Don't ask me, will I die for you? A question always looks for an answer. A question. I love you to life. I love you to life. I love you to life. I love you to life. And not to death. Could your dark heart be contagious? Will you pray for someone's demise? If there are no crimes, laws, there are no crimes. Fear the air you breathe. Breathe! I love you to life. I love you to life. Oh, I love you to life. I love you to life. Multitudes of questions not defined, a magnet to immortality, a magnet to immorality. If I could have my way, there would never be an end, never be an end to this beginning. Soin des massifs. On va à Paris. Voilà. On va à Paris. Ces chansons de l'amour, ça reste toujours. Je sais pas. Je traîne tous les visages. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Oh là là là là. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ah bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Dis-moi, dis-moi. Ouh là là là là là là là. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ouh là là là là là là. Je t'attends, je t'attends. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oh, tu me prends dans ses bras. Il n'est pas tout bas. Je vois la vie en rouge. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Du monde, donc je connais la cause. C'est le oui pour moi, moi pour le oui dans la vie. Il me l'a dit, là je vais pour l'homme. La vie est des cœurs, je la reçois. À l'âge sans un point, nous manquons. La vie en rose. Rose. Lavia Rose. Mon amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pour toujours, mon amour, pour toujours, je t'aime. Pour toujours. Couleur 3 live. I need a cowbell. Just like Utah and Dan, God bless his soul. Ow! Oh. I got the William blood in me. Got the William blood in me. Oh. I got the William blood in me. Got the William blood in me. Running through my blood, William's blood and me and me. In a room full of stars, I'm waiting for the angels, spreading my wings so I can fly. So let me fly. Just let me go. I'm born with care. Oh, let me. When are you gonna be a Jones? like your sister and your brother. Why don't you be a Joe? You're just like Luther. And then God bless his soul. Oh! I got the William blood in me. The William blood in me. William blood in me. I got the William blood. Grace Jones, Madame Grace Jones, c'est un exclu dans le live de l'émission Phare jusqu'à 22h. Alors Grace Jones chante, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas tout. Elle fait l'actrice aussi, et puis surtout elle fait le mannequin. Elle fait même tellement bien le mannequin que des fois, ben, on oublie qu'elle chante. En même temps, elle a été l'égérie d'Andy Warhol, donc forcément, ça marque. Mais Grace Jones chante, et bien même, en voici la preuve l'été passé au festival Electric Picnic en Irlande. I hope I'd be a good influence. It's not staying on. We work all day as men who know the wheels must turn. Help me, Lord, to ease the flow. You build on up, don't break the chain. Yet sparks will fly when the whistle blows. Never stop the action. You better keep it up. Never stop the action. You better keep it up. To the rhythm. Lay to the rhythm. Lord, to the rhythm. Slay to the rhythm. To the river, to the river. to the rhythm, to the rhythm. Oh no, me too, me and you, me too, me and you. Slave to the rhythm, to the rhythm. Ah, couleur 3. Grace Jones en voix et en jambes dans le live de l'émission Phare, c'est jusqu'à 22h. La chanteuse a toujours aimé le cinéma et surtout les vrais bons classiques. Donc, quand elle a eu la possibilité de jouer dans un James Bond, eh ben, elle n'a pas hésité. Elle est devenue la méchante, forcément, dans Dangereusement Vôtre, qui est sorti en 1977. Mais à la fin, Grace Jones se repent et elle se sacrifie pour le beau Roger Moore. Et son concert se poursuit dans les collines irlandaises, lors du festival Electric Picnic l'été passé, et jusqu'à 22h dans l'émission Phare. Couleur 3 live. I'm sorry, I just gave that one away. Fucking hell! Straight to the rhythm. Live to the rhythm. Dance to the rhythm. Slave! Slave to the rhythm. Dance to the rhythm. Give me something to hit. Run to the rhythm. Slave to the rhythm. Slave to the rhythm. Dance to the rhythm. Slave to the rhythm. Dance to the rhythm. Slave to the rhythm. Dance to the rhythm. Your fucking shit ain't working either. Come on, there's a fucking party! I'm going home if I don't hear you. Other things. I can't hear you. Adam on guitar and shakers right now. To the rhythm. Dance to the rhythm. Slay bass around. We got Chicky on the sound somewhere back there. 21h, 22h, couleur 3 en live. L'Irlande se jette aux pieds de Grace Jones au Festival Electric Picnic en 2008, en concert que vous pouvez écouter en exclusivité ce soir pour encore un petit moment. Grace Jones a sorti l'album Hurricane en 2008 et il lui fallait donc forcément le promouvoir. C'est ainsi que cet été, en 2009, elle nous a fait l'honneur de monter sur la scène du Montre Jazz pour un concert digne de sa réputation. Elle a changé de tenue entre chaque chanson et ça, ça demande tout de même le respect. Mais Grace Jones ne se limite pas en habillement extravagant, au contraire, et elle nous le prouve tout de suite avec son concert au Festival Electric Picnic en Irlande l'année passée. Couleur 3. Thank you, Philip Tracy. Tell me where we're pulling up to the bumper, baby. Driving down those city streets, waiting to get down. Machine. And the sound in the parking lot, they found the proper place. Pull up. Hey, hey. yo-yo. Chris Jones, l'égérie de la marque aux chevrons, termine son festival avec Pull Up to the Bumper, un de ses tubes qui montre le grand professionnalisme de la dame. Et puis d'ailleurs, on s'en va tous, hein. Thierry aussi, il s'en va, moi je m'en vais, puis on vous souhaite un bon week-end. L'émission phare sur Couleur 3, lecture, papotage, blabla, conseil. Zurich, 22h. New York, 16h.